C'est bon là? Et là? C'est comment? C'est pas trop naturel? C'est pas joli, c'est trop naturel. Trop bas en volume? Je voudrais un peu de réverb ou un truc comme ça. Trop bas. Alors attends, pour ça. J'y comprends rien, il y a 3 milliards de boutons. Non, elle est horrible ma voix. C'est quoi le mix? C'est quoi le décaisse? C'est quoi le feedback? C'est quoi le délire? Pourquoi il y a trop de boutons? Un peu, voilà. Allez, Luis, vamos a la playa. Aïe, aïe, aïe, caramba. Mais non, non habla espagnol. Habla francés. Je crois, je loue quoi? Mais ma voix est très jeune, hein, monsieur Gio, depuis le temps que tu me connais. No, I'm not. Je vais aller voir ailleurs. Hein. nom, monsieur Dio. Thank you. Thank you.